Putain, j'arrête mon bordel. C'est quoi ce truc? Loving you, baby. Ça c'est tonight. Quand, monsieur, le couplet? Mets-moi le couplet. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. Oh, la basse, j'arrive pas à jouer.